Le F pour exporter mon fief, le porter en friche fièrement. Je me fiche de tous vos chefs, je suis riche de firmament. Pour ma folie, pour mes griefs, que t'étonnes mes quelques fantômes, que chantonnent mes atomes, ma mélancolie dans le Zef. F car tout est bref, avant la fin tout s'affonne, tous défunts et dans cette faune tous les hommes ont faim de bénef. Pour la haine qu'ils nous greffent, pour mes peines, pour mes cris furtifs, quand mes écrits manquent de relief. Ça l'arsène sous mes tifs, le A parce que dans l'embarras, vu d'ici ou de là-bas, c'est un branle-bas de combat, mes récits font leur débarras. Pour la baraka, quand sur ma face sonne le glas, quand je frissonne dans leur verglas, que je trace avec mes tracas, à contre mes fracas, digne en jean sans apparat, pour ces lignes sans mascara, que je signe en 24 carats, pour leur mascarade d'état. Des tonnes de bêta, des tonnes ma voix, ma vendetta, ma parade, à leur omerta, vient le Y, envie d'un break. Partir sans chèque pour ces textes que je dissèque, la satire d'un écrivain tchèque. Pour mon air sec, pour mes quelques prises de bec, pour mes valeurs intrinsèques, la douleur d'un frère aux obsèques. Couleur mes techs, garde mes codes, mes pierres impecs, aux antipodes de leur copec, pour leur fier de quelques psartecs, pour ma peur de l'échec, pour mes rêves morts sans remake, ma vie brève dans leur codec. Alors vas-y check. Si l'être de noblesse mais n'est pas grand chose d'un châtelain, comme Eros mes moblesses, qu'elles sortent grandioses de mon patelin, me rapporte que peu d'écus, mais qu'elles exportent ma psyché, pour qu'elles soient fortes face aux clichés, jamais tricher sur leur vécu. Si l'être de noblesse mais n'est pas grand chose d'un châtelain, comme Eros mes moblesses, qu'elles sortent grandioses de mon patelin, me rapporte que peu d'écus, mais qu'elles exportent ma psyché, pour qu'elles soient fortes face aux clichés, jamais tricher sur leur vécu. Viens le CCI pour que les yeux des miens brillent sous les cieux, mon art une vrille. Du feu sur mes brindilles pour ma jeunesse, mon stock de billes. L'époque des pupilles me moque du coq de ses belles fils, moque avec finesse qui roupille pour tout ce temps que je gaspille. Navré où l'on fourmille en tant que si je dégoupille, c'est au nom de ma vraie famille. Pour ces doutes qui s'éparpillent, ces routes d'altitude que j'enquille, goûte la quiétude sur mes papilles. De trois gars pour béquille, reviens le A pour béaba, pour que soit ample mon pera. C'est du tag à du tabac sur un beau sample d'opéra. Pour se fier au trépas, pas à l'asphalte, à la smala, et au kéfier pour les pas d'Arafat à Ramallah. Ah pour ma gueule de rat, ma gamberge, mon chemin de croix, voilà berge, du moins j'y crois, mais si je suis seul qui m'aidera. Pour la grêle qui s'abat sur ceux qui jugent sans cas par cas, moi un peu frêle dans ma parka, parfois gruge et me débat. Elle au naturel pour toutes ses bornes sous mes semelles, ses cornes qui à mon âme se mêlent, le macadam et ses querelles. Pour l'amour maternel, paternel et fraternel, calme et classique sous l'éternel basique de ma tour sentinelle. Dans mes prunelles, toute une réserve de fiel. Préserve le potentiel, conserve ma verve pour opinel. Pour ceux qu'on délaisse à l'appel, ma politesse ou leur scalpel, quelques tristesses dans ma chapelle. Laisse que je t'épelle. Si l'être de noblesse mais n'est pas grand chose d'un châtelain, comme Eros mes moblesses, qu'elles sortent grandioses de mon patelin, me rapporte que peu d'écus mais qu'elles exportent ma psyché, pour qu'elles soient fortes face aux clichés, jamais tricher sur leur vécu. Si l'être de noblesse mais n'est pas grand chose d'un châtelain, comme Eros mes moblesses, qu'elles sortent grandioses de mon patelin, me rapporte que peu d'écus mais qu'elles exportent ma psyché, pour qu'elles soient fortes face aux clichés, jamais tricher sur leur vécu.